J'ai croisé dans un cirque un grand lion de l'Afrique, un grand lion un peu triste, aux yeux mélancoliques. Il allait tous les soirs pour y faire son devoir, sous le grand chapiteau, y faire son numéro. Sous les yeux du dompteur, il avance sans cœur pour donner du bonheur à tous les spectateurs. Sous le fouet et la peur, on voyait la douleur et puis tout le malheur de ce drôle d'acteur. Le grand lion ne saura jamais ce que veut dire la liberté. A-t-on le droit de dresser les animaux pour s'amuser? Après tout ce tapage, il rentrait dans sa cage. Il perdait le courage et cachait son visage. Il rêvait de ses nuages, des bois, des marécages, de tous les paysages, de son pays sauvage. Derrière tous ses barreaux, il ne dit pas un mot. Il n'est pas rigolo, le roi des animaux. Il rêve au pays chaud, où il fait toujours beau, à des milliers d'oiseaux, dans un ciel indigo. Le grand lion ne saura jamais ce que veut dire la liberté. A-t-on le droit de dresser les animaux pour s'amuser? Quand je vois dans un cirque les animaux sauvages au milieu de la piste, pliés sous le dressage, les rires des spectateurs, le fouet du dompteur, au regard de vainqueur, j'ai vraiment mal au cœur. Au nom de quoi, de qui pouvons-nous aujourd'hui enfermer le grand lion au fond d'une prison? Au nom des animaux, je condamne aussitôt ces personnages idiots qui tuent les animaux. Le grand lion ne saura jamais ce que veut dire la liberté. A-t-on le droit de dresser les animaux pour s'amuser?